بسم الله الرحمن الرحيم من ذلك اليوم ندخل في سورة طه سورة طه في المسألة الحادي عشر بعد المئة 11e مسألة في قوله تعالى وحلل عقدة من لساني يفقه قولي On peut d'abord dans le sens où il parle de Moussa alayhi salam lorsqu'il dit et défait le nœud qui est sur ma langue afin qu'il comprenne ma parole afin qu'il comprenne ma parole فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يخفى أنه من سؤال موسى الذي قال له ربه أنه آته إياه بقوله وقد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى et qu'il n'échappe à personne que cela fait partie de la question de l'invocation de faite par Moussa que Allah lui a accordé lorsqu'il a dit que certes ton invocation t'a déjà été accordée au Moussa surat Torah verset 36 c'est-à-dire qu'il défasse le nœud de sa langue. وذلك صريح في حل العقدة من لسانه وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من ذلك كان بلسانه كقوله تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Et donc cela démontre que ce nœud de cette langue, de la langue de Moussa alayhi salam, a été défait. Et pourtant, d'autres versets démontrent que, malgré cela, une défaillance dans l'éloquence, dans le parler de Moussa, était toujours présente, malgré tout. Comme le prouve, la parole d'Allah, sous le dit à propos de Philan, lorsqu'il parle, il dit « Suis-je donc meilleur que celui-là, qui est un affaibli et qui n'arrive même pas à s'exprimer ?» Dans le sens, qui est inapte à s'exprimer correctement. « Az-Zuhruf » l'ordonnement, verset 52. Donc, Philan critiquer Moussa du fait qu'il avait du mal à s'exprimer. Donc, le Ugda était toujours présent. Et pourtant, le verset dit quoi? Que Allah Azza wa Jal lui a accordé sa réponse, à son invocation, lui a accordé l'exaucement à sa, son invocation. À son invocation. Wa qawlu ta'ala an Moussa wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i. Et qu'il a dit également, dans le sens où Moussa il a dit, et mon frère Harun est plus éloquent que moi. Alors, envoie-le avec moi. Al-Qisas, les contes, verset 34. Qala, wal jawabu, anna Moussa Ali, wa ala nabiyina as-salatu was-salam, lam yas'al zawal ma kana bilisanihi bil-kulliyya, wa innama sa'ala zawal al-qadr al-mani' min an yafqahu qawlahu, kama yadullu alayhi qawluhu, yafqahu qawli. Donc c'est quoi la réponse simplement? Que Moussa alayhi salam n'a pas demandé que cette défaillance dans le parler lui soit ôtée totalement, d'accord? Mais tout simplement qu'il soit ôté un minimum afin qu'il puisse faire comprendre ce qu'il a à dire. En fait, c'est-à-dire la quantité suffisante pour se faire comprendre par les gens. Comme le prouve la parole, dans le sens où il dit, afin qu'ils comprennent ma parole. Afin qu'ils comprennent ma parole. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وحلل عقدة من لساني ما نصه après c'était par Ibn Kathir par rapport à ce verset lorsqu'il dit et défait le nœud de ma langue il dit وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة que Ibn Kathir a dit par rapport à ce verset là que Moussa n'a pas demandé ce que cette défaillance soit enlevée totalement, mais juste en mesure du besoin, la quantité suffisante pour qu'il puisse se faire comprendre. وَلَوْ سَأَلَ الْجَمِيعَ لَزَالَ وَلَكِنَ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا بِحَسْبِ الْحَاجَةِ وَلِهَذَا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ قَالَ تَعَالَى إِخْبَرَنَا فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مُهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ أي يُفْسِحُ بِالْكَلَامِ Donc il dit que si Amé Moussa, toujours Ibn Kathir, qui dit que si Moussa avait demandé à ce que cela soit ôté totalement, cela aurait été fait. Cependant, les NBA ne demandent jamais les choses complètement, mais en mesure du besoin, en fait. D'accord? Que les NBA ne demandent des choses qu'en mesure du besoin. Et c'est pour cela qu'il avait toujours une trace présente chez Moussa alayhi salam dans son parler. C'est pour cela que Pharaon, justement, l'a critiqué en disant qu'il était n'était pas capable de pouvoir s'exprimer. قال وقال الحسن البصري وحلول عقدة من ثاني حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطيه. Et que l'Hassan al-Basri dit pareil, que un nœud seulement de sa langue a été enlevé, et que si Hamid avait voulu plus que cela, cela lui aurait été accordé également. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من ألف العون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام فسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون رداء له ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه فآته سؤله فحل عقدة من لسانه. ابن عباس il dit quoi? Que Moussa s'est plaint auprès de son seigneur de ce qu'il craignait des gens de Pharaon par rapport à cet homme qu'il avait tué. Qu'il craignait que Pharaon et son peuple ne s'en prennent à lui pour cet homme qu'il avait tué auparavant. Et également qu'il a demandé à ce qu'un nœud de sa langue soit défait. Qu'elle avait un nœud dans sa langue qui l'empêchait de pouvoir beaucoup parler, de s'exprimer. Donc il a demandé à ce que son seigneur le renforce et l'épaule par son frère Haroun. Que Haroun puisse dire ce que Moussa n'aurait pas pu dire lui-même. Donc de là, cette invocation lui était accordée et qu'un nœud de sa langue lui était enlevé. ثم قال ذكر عن ابن أبي حاتم ذكر عن عمر ابن عثمان حدثنا بقيته عن أرطاه ابن منذر حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال أتاه ذو قرابة له فقال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعلب في قراءتك فقال القرظي يا ابن أخي ألست أفحمك إذا حدثتك؟ قال نعم. قال فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله ولم يزد عليها. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. Donc Ibn Hatim rapporta selon Muhammad ibn Ka'b qui dit qu'un de ses proches est venu le voir. Il lui a dit, c'est-à-dire ce proche a dit à Muhammad ibn Ka'b que toi il n'y a aucun problème avec toi, hormis du fait que tu te trompes beaucoup quand tu parles. Tu fais beaucoup de lahm, c'est-à-dire des fautes de grammaire lorsque tu parles. Donc, Mohammed ibn Ka'b lui a répondu, « Oh, mon neveu, ne te fais-je pas comprendre ce que je te cite lorsque je te cite un hadith? Est-ce que tu comprends ce que je te dis ?» Il dit oui. Il dit, « Sache que Moussa a demandé à son seigneur qu'il lui défasse un nœud de sa langue juste pour faire comprendre aux fils d'Israël ce qu'il avait à leur dire. » Et il n'a pas demandé plus. C'est-à-dire qu'en fait, Mohammed ibn Ka'b a répondu à son neveu du fait que même si je me trompe dans mon kalem, plus important, c'est que tu as compris ce que j'ai à te dire. Si tu as compris, il dit Naam, il dit ben Moussa, alayhi salam, qui avait dans sa langue un nœud qui l'empêchait de s'exprimer et qu'il a demandé à Allah de lui enlever ce qui suffisait à se faire comprendre. Et il dit ben moi également, je devais comprendre ce que j'avais à te dire, donc mon lahn en lui-même n'est pas un problème pour toi. Ça montre bien que le fait de faire du lahn en parlant n'est pas une chose dramatique. De petites choses dramatiques. Il y a même des gens, tu les vois, critiquer des fautes de français, soi-disant, alors qu'eux-mêmes sont pleins de lahn en langue arabe. Ça, c'est un taqlib des haqa'iq. Mais c'est pas juste sur lequel, par exemple, tu vas faire une critique et mettre une mise en garde ou ré les alikas. Tant que ce qu'il dit est compréhensible. Par contre, des erreurs dans le nahu, dans la langue arabe, qui, elles, altèrent le sens. Celles-ci, elles sont plus graves. Celles-ci, elles sont plus graves. Naam. Donc tout cela, c'est des choses qu'Ibn Kathir a citées. C'est à quoi elle. قال بعد هذا ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه في قوله ولا يكاد يبين كما كذب على الله في ادعائه الربوبية وأن قوله هو أفصح مني لسانا يدل على اشتراكه مع هارون في الفصاحة وكلاهما فصيح إلا أن هارون أفصح وعلي فلا إشكال. Et il donne une autre réponse également l'auteur. Il dit qu'il est possible que tout simplement, lorsque Pharaon a critiqué Moussa en disant qu'il n'est pas capable de s'exprimer, c'était un mensonge de la part de Pharaon. Tout comme il a menti sur Allah, Pharaon, en disant qu'il était le Seigneur. Donc s'il a menti sur Allah Azawajel, qu'en est-il de sa créature? A plus forte raison pour mentir sur eux. Et également le fait que Allah Le fait que Allah Azzawajal ait dit que Moussa alayhissalam ait dit que Haroun était plus éloquent que lui, cela ne veut pas dire que Moussa n'avait pas d'éloquence. Mais peut-être que Moussa était éloquent, Haroun kazalik, cependant Haroun était plus que Moussa, tout simplement. Et en prenant cette réponse-là, alors là, dans le verset, il n'y aura pas de problème. Dans ce verset, il n'y aura pas de problème. Hada wa jawab al-mu'allif, rahmallahu ta'ala. Fa bi hada al-kod naktafi, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.